نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نستوي بتدريبات اليوم للدرس الخامس الذي كان في المفعول به. Donc, quoi, l'exercice du DH5. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية. Répond question suivante. أين ذهب الطلاب الجدد؟ Où ont été les nouveaux élèves؟ ذهب الطلاب الجدد إلى المدير. طيب. Les nouveaux élèves ont été chez le directeur. أفهم طلحة الدرس؟ Est-ce que Tolha a compris le cours? نعم فهمه جيدا. Je vous le dis. نعم فهمه جيدا. ليس فهمه. فهمه. فهمه. نعم كسرها. كل فهمه يفهمه. ثالثا. أي سورة حفظ إبراهيم؟ Quelle sourate a mémorisé Ibrahim? حفظ سورة الفجر وسورة التين. نعم لا. Mémorisé la sourate du figuier et celle du fajr. رابعا من فتح النوافذ؟ Qui a ouvert les fenêtres? فتحها علي. طيب ثانيا دع لي العلامات الخط امام الجمل الصحيحه وادي العلامات المصاليب امام الجمل غير صحيحه. اولا فتح علي الفصل دونك علي او على كلاس خطا. نعم غير صحيح. ما رجع زكريا وحمزه وعثمان من مكه دونك زكريا وعثمان وحمزه ne sont pas revenus de مكه. صحيح صحيح. ما كتب فيصل فيصلون الأجوبة لأنه ما فهم الأسئلة. Donc فيصل n'a pas écrit les réponses car il n'a pas compris les questions. صحيح. نعم. ما كتب فيصل الأجوبة لأن قلمه مكسور. Donc فيصل n'a pas écrit les réponses car son stylo était ou est cassé. خطأ. نعم. طيب قلنا الخامس أيضا. نعم. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. Donc complète les trous avec un mot qui correspond en mettant la harakat qui convient. طيب الجمل الأولى تفضل. من فتح الباب؟ نعم. Qui a ouvert la porte؟ ثانيا. غسلت أختي القمصة القميصة. نعم. غسلت أختي القميصة. ثالثا. ضرب الرجل الحية بالعصا. نعم ما الحركة في الحية؟ حية. نعم. Donc l'homme a frappé le serpent avec le bâton. رابعا. شرب يوسف القهوة. نعم يوسف a bu le kahwa. خامسا. كتب المدرس الدرس على السبورات. نعم. Le professeur a écrit le cours sur le tableau. Sadisan. Akalat Souad al khubza. Nam. Souad a mangé le pain. Sabian. Qara'tu al Qur'an. Nam, j'ai lu le Coran. Thaminan. Asami'at al adhanu. أسمعت الأذان؟ نعم. يا حمزة. نعم. As-tu entendu l'adhan ou Hamza? تاسعا. فتح التاجر الدكان. نعم. Le commerçant a ouvert la boutique. عاشرا. خرج الطلاب من الفصل. نعم. Les élèves sont sortis de la classe. وقلنا أيضا. العاشر. نعم. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc في des phrases en utilisant les mots suivants. أكل. أكل الرجل الموزة. نعم. L'homme a mangé la banane. غسل. غسلت آمنة الثوب. نعم. آمنة a lavé le vêtement. قرأ. قرأ الطفل القرآن. نعم. L'enfant a lu le Coran ou récité le Coran. كتب. كتب محمد الدرس. محمد a écrit le درس. ضرب. ضرب عثمان الولد. نعم. عثمان a frappé l'enfant. قتل. قتل عمران النموسة. نعم. عمران a tué le moustique. لكن في مد في ناموس في مد لأنه هنا في لما يكون نامس وناس ما يكون نامس لكن نقول صحيح هو ناموس سأشوف إن شاء الله بعوض معلوف كما جاء في القرآن ومن ناموس عندهم مجيك كم سأسببوه أين هذا هذا الذي أرانا بالمد ناموس ما حنا ما قرأتها كنت الناموسة. واه بسكو ما قرأ يعني ما تبا بونس المد تبا دي ناموس تدي الناموسة. كم سيتي avait pas de alif كم سيتي pas de non كم سيتي pas de alif كم سيتي pas de واو تبا ناموسة. c'est pour ça mais il me semble c'est comme tu l'as écrit là الله أعلم je vais avoir ton ناموس إن شاء الله طيب دخل دخل زكريا البيت نعم زكريا يوصلنا على المنزل خرج خرج هاشم من المدرسة. نعم هاشم est sorti de l'école. حفظ. حفظ علي الصحيح البخاري. عيد. حفظ علي الصحيح البخاري. لا. ليس الصحيح البخاري. هو صحيح البخاري. مضاف إضافي إليه. ما في ألف ولا لام. نعم. حفظ علي علي صحيح البخاري. صحيح. نعم. شرب شرب الشيخ القهوة نعم فهم فهمت البنت الدرس نعم la fille a compris le cours سمع سمع الطلاب الخطبة خطبة نعم les étudiants ou les élèves ont entendu la khutba طيب ما يعلم المفعول به المفعول به c'est quoi sa harakat c'est la fatha يوم رمضان صبنا. quand on te dit ما إعراب كذا، toi tu dois dire quoi son statut grammatical et sa harakat. si tu dis ما إعراب المبتدا، tu dis par exemple tu dis محمد قائمون، tu dis ما إعراب محمد، tu vas dire مبتدا مرفوع. طيب c'est ça en fait l'إعراب. si tu dis ما إعراب قائمون خبر مرفوع. ما إعراب ذهب إلى الدرس إعراب إلى الدرس tu vas dire درس تودي اسم مجرور بحرف الجر طيب لسه ما فهمت هذا فقط اليوم صح هل يجوز ان نقول او هل يصلح ان نقول ذهب وطلاب لا اصلا ما يقال يقال كيف يقال ذهب الطلاب نعم تمام فسندخل في الدرس السادس عندنا الأم وسعيد ومريم و هذا فقط طيب أنا سأقرأ مكان الأم وأنت تقرأ مكان سعيد ومريم طيب متى رجعت من المدرسة يا بنية؟ donc quand es-tu revenu de l'école oh mon fils mais là c'est بنية c'est un terme tendre pour dire mon fils petit tu vois mon tendre enfant mon cher petit enfant mais c'est pas petit fils tu vois pas petit fils نعم رجعت قبل نصف الساعة نعم je suis revenu il y a une demi-heure أين أختك مريم؟ ما رجعت؟ أما رجعت؟ donc où est ta sœur Mariam? n'est-elle pas revenue؟ لا أدري أنا ما رأيتها. non. je dis je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. الأم ماذا قرأت اليوم؟ qu'as-tu lu aujourd'hui؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. Non. Donc, il dit, j'ai lu aujourd'hui un nouveau cours dans le fiqh. Fahimtahu, l'as-tu compris? Non. Fahimtahu. Là. Fahimtahu. Non. Jayidan. Et oui, je l'ai très bien compris. Amakara'ta al-Qur'an al-Yom, n'as-tu pas récité du Qur'an aujourd'hui? Bala, qara'tu surat al-Rahman. Surat al-Rahmani. Wa hafidtuha. ففرح بي المدرس ففرح بي بيا ففرح بي المدرس المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. فسعيد قال سي j'ai lu la sourate Ar-Rahman et je l'ai mémorisé et mon enseignant fut très content de moi. Et il a dit, tu es certes le meilleur étudiant de la classe. Là, ils ont fait un truc. Quoi, ils ont dit, Bel Karatu, Surat al-Wahmani. Ils ont mis al-Wahmani. Là, c'est une erreur. Car en réalité, ce n'est pas un Mudaf Mudafilei. Parce qu'en fait, ils citent le nom d'une chose. Ar-Wahman, dans le Coran, Surat al-Wahman, c'est Ar-Wahmanu. Si je me rappelle bien. C'est Ar-Wahmanu. Je te vérifie que je ne dise pas de bêtises. Arab, Arab, Arab. Ça s'appelle 5. Non. Mais bon, y'a mis. C'est une soukoun. C'est un Rouhman avec une soukoun. C'est un Mousraf. Je regarde à la fin dans le nom de Surat. Il est où? Là, ils n'ont rien mis non plus. Mais dans le Mousraf, ils ont écrit avec. Toujours est-il que lorsque tu cites une sourate dans le Coran, ça n'en fait pas un Mudaf Mudafilei. La sourate reste telle qu'elle est nommée dans le Coran. Par exemple, tu ne vas pas dire sourate al-Baqarati. Si c'est sourate al-Baqaratu, tu vas dire sourate al-Baqaratu. Pourquoi est-ce que tu la nommes telle qu'elle est? Ça veut dire c'est pas un Mudaf Mudafilei. Si tu nommes une chose et ensuite tu cites la chose telle qu'elle est écrite. C'est comme par exemple. À la base, kafirun, al-kafirun, c'est le djem de kafir. Et kafirun, c'est un djem muzakkar salim. On n'a pas encore pris son. Comment on fait son irab, mais sache que lorsqu'il est marfou, c'est avec le waou. Al-kafiruna. Et lorsqu'il est mansoub, ou le majrour, c'est kafirina. Avec un ya. Comment ça ira plus tard. Et lorsque toi tu dis. Qara'tu surat, tu veux dire Qara'tu surat al-kafirun, tu ne vas pas dire surat al-kafirin. Parce que sur la surat, Allah, dans le Coran, il est nommé kafirun. Donc il faut le nommer tel qu'il est. Donc là, le fait qu'ils aient mis surat al-wahmani, la kassara, tu vois, il y a un nazar. Normalement, ils auraient dû le nommer tel qu'il est dans le mushaf. Mais certaines surat aussi dans le Coran, leur nom c'est tawqifiyya, c'est-à-dire c'est venu par révélation, et d'autres, c'est. Il n'y a pas eu de nom vraiment, elle a été nommée comme elle a été connue auprès des gens. En tout cas, dans Moussaf, elle n'est pas venue qu'une kasra. Donc, quand tu lis surat, tu cites la surat telle qu'elle est nommée dans Moussaf. Sans mettre de mot d'affilée. Non. Fahim ta'ala ? Et ils ont mis une kasra sur Ar-Rahmani. Kekha, Inch'Allah. Thumma tu ta'koul, ma'asha Allah, zahadaka Allahu ilman ya bunayya. Donc elle dit, Masha'Allah, qu'Allah te rajoute en science, ô mon fils. Donc il dit, as-tu lavé mes kamis, ô ma mère? Elle dit, Naam, rasaltuha, wa kawaituha, khudh hadha al-kamis. Elle dit, oui, je les ai lavés et je les ai repassés. Prends ce kamis. Donc il dit, prends celui-là ou ma mère, celui-ci est plus beau que celui-là. Assalamu alaykum, kayfa halak? Oh non, afwan, afwan, c'est pas prends, c'est donne, en fait, afwan. Hati, c'est donne. Donne-moi celui-là ou ma mère, car celui-là est plus beau que celui-ci. Non. C'est hak qui prend. Et hat, c'est apporte, donne-moi. طيب يدخل مريم دونك مريم رونتر السلام عليكم كيف حالك يا امي يا كيف حالك يا امي وكيف حالك يا اخي نعم مريم دي السلام عليكم كما vas-tu امي et comment vas-tu ô mon frère يا اخي الام تقول وعليكم السلام اهلا يا بنتي متى خرجتي من المدرسه دونك دي السلام عليكم bienvenue ma fille quand es-tu sortie de l'école خرجت بعد صلاة الظهر. نعم. سorti après صلاة الظهر. الأم. أين زميلتك آمينة وفاطمة وسعاد. Où sont camarades Amina et Fatima et Souad? أنا ما رأيتهم بعد الصلاة. ها؟ أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. نعم. Dit, moi je ne les ai pas vus après la salat. الأم تقول يا بنتي أخوك حفظ صلاة الرحمن. Aïe suratin hafisti anti. Donc il dit oh ma fille, ton frère a mémorisé surat ar-Rahman. Donc toi, quelle surat as-tu mémorisé? Ana hafitu surat al-Hadid. Wa hiya atwal min surat ar-Rahman. Wa kadhalik hafitu 16 ayatan min surat an-Naba. Il dit moi j'ai mémorisé surat al-Hadid, le fer. Et elle est plus longue que Surat al-Rahman. Et pareillement, j'ai mémorisé 7 versets de Surat al-Naba. Al-Umm, Masha'Allah, Innaki talibatun mushtahidatun, Ana masruratun bik, Al-Zahabti ila al-Maktabati al-Yom, donc elle dit, Masha'Allah, tu es certes une élève studieuse. Je suis très heureuse de toi. Ou contente de toi. As-tu été à la bibliothèque aujourd'hui? نعم ذهبت. Oui j'ai été. الأم ماذا قرأت هناك؟ Qu'as-tu lu là-bas؟ قرأت مجملة. مجلة. مجلة من باكستان اسمها الإسلام. Dit j'ai lu un magazine se nommant le Pakistan. J'ai lu un magazine du Pakistan se nommant l'Islam. الأم أبي اللغة العربية هي. Donc ce magazine est-il en langue arabe? La hiya bil lughati al-inglisiyya. Donc elle dit non, il est en langue anglaise. Voilà, Moustar. Al-Umm, azhabti ila al-mudira. As-tu été à la directrice, chez la directrice? La hiya ma jat al-yawma. Donc elle dit non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Al-Umm, lima. Donc pourquoi? أظن أنها ذهبت إلى مكة. مريم دي، je pense qu'elle a été à Mecca. الأم، أشربتي الشاي؟ As-tu bu du thé؟ لا، ما شربت. Dis non, je n'ai pas bu. الأم، تتكلم الخادمة، هاتي الشاي يا ليلى. Donc la mère s'exprimant à la servante apporte donc le thé au ليلى. وهاتي قطعة خبزين أيضا يا ليلى أنا جوع أنا جوع. Donc elle dit apporte également un bout de pain au ليلى car j'ai faim. Imam. الآن سنأخذ الكلمات الجديدة التي في النص. Donc on prend les nouveaux mots. Donc comme on l'avait dit au début, في كلام الأم. Matin rajarta min madrasati ya bunay. Voyez, donc comment es-tu revenu de l'école, oh mon fils? Donc bunay, l'origine c'est ibni. Voyez, mais là c'est un ism tasrir, c'est les noms diminutifs. Ça viendra plus tard, inshallah. Et en fait, c'est un nom qu'on emploie pour soit réduire du rang d'une personne, d'une chose, ou soit pour donner un côté plus affectueux, comme bunay. Lorsque tu parles à ton fils, tu dis ya bunay. كافيكو لوكمان ابني قال يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك في نظر كلام من عزم الامور لذلك لوكمان دي اسون فيس او مون فيس اكمبلي لا صلاه اي اوردون لو كونفينابل انتري لو بلامابل اي باسيونس سو سكيتا سكيتا تاندرا دو سولا ainsi de suite. Donc souvent le père parle à son fils et dit Yabunei. Tout comme le fils peut dire à son père Ya Abati. Tu vois, là-bas c'est Ya Abi. Et parmi les choses qui sont plus affectueuses, Ya Abati, comme Akali Ibrahim, Ya Bihi. Ya Abati, il est aboudi Shaitan. Oh mon cher père, n'adore pas Shaitan. Ça, c'est les termes qu'on emploie dans la maison entre membres de la famille. Également, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comme la Hada. Ra'aituha. Ra'a, c'est voir. Taïeb. Ra'a, c'est le verbe voir. Et là, c'est Aynam Radri, le devant, j'ai pas vu. Enfin, Radrinam, ça c'est le verbe. Dara Yadri, c'est le fait de savoir. Je ne sais pas. Dara Yadri. Et là, la Adri, et c'est Ana. C'est un verbe Mudaria. Fiel Mudaria au présent, c'est je ne sais pas. On ne dit pas Ma'adri, c'est l'Adri. Tu peux dire les deux. Tu peux dire Ma'adri et tu peux dire La'adri. Wana Ma'raïtuha, Ra'aïtuha, c'est tiré du verbe Ra, qui veut dire voir. Après Ra'aïtu, c'est Domir, c'est Fa'il, et Hasma Fulbi. Voilà. Après, il y avait quoi d'autre comme nouveau mot? Taïeb, regarde là, dans la ligne où la Oum a dit Masha Allah, Zadakallahu ilman yabunayya. Donc, Masha Allah, ma'louf, Zadakallahu ilman, c'est un dua. Et souvent, les dua, quand on les fait, on emploie un verbe au passé, très souvent. On fait bien attention au mudari, mais très souvent, il est au passé. C'est comme lorsqu'on dit Shafak Allah, tu vois qu'elle te guérisse. À la base, c'est Shafa, c'est fier pour dire guérir. Comme tu peux dire Allahu yashfik, qu'elle te guérisse, pareil. Ou comme tu peux dire Baraka Allahu fik, c'est le fier Baraka. Après, c'est Arfojar et Damir. Baraka Allahu fa'il fik, c'est Jalou Majour. Comme tu peux dire Allahu yubarik fik. C'est-à-dire Allahu yubarik fik, ça c'est un mudaliya. Donc là, Zadak Allahu ilman, c'est un dua. Pour dire qu'Allah te rajoute en science. Kawaituha, rasaltuha, rasala, c'est laver, c'est marlouf. Kawaituha, c'est tirer du fil kawa yakwi, qui veut dire repasser. D'ailleurs, on a appris le kitab awel, comment on dit faire repasser? Mikwetun. Mikwetun, ça vient de ce fil-là. Kawa yakwi. Bon, allez, comme ça. Tayyib. Hati, ça va venir dans le ders, Inch'Allah, ça vient du. C'est un firme homme, c'est un verbe à l'impératif. C'est hat qui veut dire donne, apporte. Et ça va venir, Inch'Allah, dans le das. Et ensuite, il n'apparaît rien d'autre de nouveau. Naam, tout le reste est ma'alouf. La dernière ligne, Wahati Kitrat Khubzin. Kitra, c'est un morceau. Ou ça peut être une pièce. Et là, c'est un morceau de pain. Une tranche de pain, ça peut être aussi une tranche de pain. C'est un bout de quelque chose, Kitra. Jorin, c'est le féminin de Joran. Ça va venir pareil dans le vers, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de. Ainsi, au-dessus, la première ligne, là, il y a Maja'at Elium. Là, c'est Ja'a. Ja'a, c'est un firme mardi, qui veut dire venir. Bon, il y a Lima, ça va venir aussi dans le vers. Ça veut dire pourquoi. Tamam. Et Tadrib El Awel, Wassani, Fil Bait. ثالثاً، الثالث من الأسئلة دي أجيباً أسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. donc il dit ces questions ne sont pas bâties sur le sixième cours. donc c'est pareil, une charge tu feras à la maison parce qu'il faut que tu répondes à toi-même. et ce درس rapporte beaucoup au règne du féminin. comme cela va apparaître dans l'exercice suivant. رابعاً، il dit النف الفاعلة في كل من جمل الآتية وضبط الضمير بالشكل. donc il dit féminise en féminin le sujet dans chacune de ces phrases et mets la harakat qui correspond au le domir. Le domir avec la harakat qui correspond. Mathalan, il dit Al-Sharibta al-Shay ya Hamidu. Donc il dit as-tu bu le Shay au Hamid. Donc là, c'est qui qu'on parle là? On parle à Hamid. Hamid al Muzakkar. Donc, c'est un mukhatab muzakkar, tu vas dire Al-Sharibta, anta. Et pour le mouannath, tu vas dire Al-Sharibti al-Shay ya Su'adu. Donc là, le mukhatab, c'est un mouannath. Donc tu vas dire ti, ay anti. جملة ثانية كتبت الدرس يا علي أتويكي الدرس أو علي كتبت الدرس يا زينب نعم ثالثا أغسلت وجهك يا أخي أتو لافي ton visage أو مفخير أغسلت وجهك يا آمنة لا يا أختي يا أختي نعم رابعا أي سورة حفظت يا بني quelle sourate as-tu mémorisé ô mon fils Aïe suratin hafidti ya binti Nam. Et le diminutif de bin serait bunayt. Ya bunayti. D'ailleurs, regarde, le texte, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit binti. Pas dit bunayti. T'inquiète. Ça croit qu'on a lu vite, on a dit binti, c'est qu'il a dit bunayti. Je pense pas non plus. Attends, je vérifie juste. La binti, non. La binti Bounaïti. En tout cas, le diminutif de bint, c'est Bounaït. Non. Khamisan, Afahimta Dersa Jadida, Ya Hashim. As-tu compris le nouveau cours, ô Hashim? Afahimti Dersa Jadida, Ya Zainabou. Non. Aina Zahabta, Bada Dersi, Ya Akhi. Où as-tu été après le cours, ô mon frère? أين ذهبت بعد الدرس يا أختي؟ نعم. Donc on voit que le مخاطب المفرد المؤنث الضمير المتصل avec le fi'l ماضي c'est ti. طيب ذهبت فعلت جلست ainsi de suite. خامسا اضبط الضمير بالشكل في كل من افعال الوارده في الجمل الاتيه. Donc il dit, il veut que tu mettes les harakat qui correspondent sur le domir dans les phrases suivantes. Mathalan, yakul, ana zahabtu il matar. Donc, domir, tout, il y a bien à qui? Il y a bien à ana. Quand tu dis zahabtu, c'est moi. J'ai été. Ou je suis allé. Zahabtu, j'ai été. Jalastu, je me suis assis. Qara'tu, j'ai lu. À quel tout j'ai mangé. Donc tu dis tout quand ça revient à toi. Fania, Fania. Il l'a déjà mis en fait. Mm. Tu les as aussi toi ah, ouais, il les a déjà mis. Normalement, ils n'y sont pas. Tandis, Fania. Eh, Zahabta, il est le mal'abi, ya Youssouf. Donc as-tu été au terrain de jeu, au Youssouf. Donc pour le Mukhatab Mufrad Muzakka, Anta, tu veux dire quoi Zahabta. طيب ذهبت جلست أكلت قرأت فهمت إلى آخره ثالثا أختي ذهبت إلى المستشفى donc ma sœur a été à l'hôpital donc là le T c'est كون سكون mais attention la différence entre أنا ذهبت وأنت ذهبت وأختي ذهبت c'est que أنا ذهبت le tout là c'est un فاعل C'est un damir. Mm. C'est un fa'il. Damir mutasil. Anta zahabta. Le ta, pareil, c'est un damir mutasil. Il est fa'il. Ama urti zahabat. Ta'tanis. Sakina. C'est pas un damir. C'est pas un damir. C'est juste un harf qui prouve que le fa'il il est mouannas. Et le fa'il il est où Urti zahabat. Il mustashfa. C'est un damir, comme on a dit, mustatir. Il est là, mais tu ne le vois pas, tu ne l'écris pas. Et en fait, c'est hiya. Urti zahabat. Hey, hiya, il est mustashfa. Et pareil au masculin. T'as coulé, Masalen, Ahi, Zahaba, il est mustashfa. En fait, c'est Ahi, Zahaba, Hua. Sauf que Hua, là, dans la phrase aussi, pareil, il est domir, mustatir. C'est-à-dire que tu ne vois pas, tu ne décris pas, mais tu le sous-entends. Donc attention, ce ta-là, ce n'est pas un fa'il, ce n'est pas un damir. Rabi'an, e zahabti il maktabati, ya fatimatu. Donc as-tu été à la bibliothèque au Fatima? Donc zahabti, ti là c'est pour qui? Anti mukhatab, al-muannatha, al-mufrada. C'est-à-dire, il dit Amel Mayali. Donc là, il a fait un khurasa, un récapitulatif des Tama'ir qui ont été cités dans le vers. Zahabat, du fil Zahaba. Zahabat, c'est qui? C'est quoi le Damir? Hiya. Damir Moustatir. Non, Damir Moustatir. Zahabta, c'est pour qui? Anta. Zahabti, c'est pour qui? Anti. Zahabtu, c'est pour qui? Ana. Ana. Non. Ça paraît, on vous a déjà vu dans Kitab 1. Hein? Donc ça, c'est sahel. Sabian, ta'ammel a misalein et l'atiyein. Donc, médite sur les deux exemples suivants. Awalen, afahimta adersa ya aliyu. Donc, il dit quoi la réponse? Naam, fahimtuhu. Oui, je l'ai compris. Là, le hu, il est quoi là? Fahimtuhu. C'est Damir, il renvoie au tas. C'est un. Pour la prière. Ça me faut le bi. Ma faut le bi. Le premier, Fahim touhou, tout, c'est Fahim. C'est moi, je. Et le hu, c'est Sargent ou Ders. C'est ma faut le bi. Ça, c'est une question avec une réponse affirmative. Le négatif, c'est la ma Fahim touhou. Vous voyez, on a déjà dit que le fi'l madi, comment on fait sa négation? Avec ma. Vous voyez, tu ne dis pas la fahimtuhu. Tu dis ma fahimtuhu. Thaniyan, ama fahimta ders ya Ali. Donc là, c'est quoi? Une question de négation dont on veut une affirmation. Donc on dit quoi? Bala fahimtuhu. N'as-tu pas compris le ders sur Ali? Si, je l'ai compris. Ou alors tu dis comment? Naam ma fahimtuhu. Si jamais tu veux affirmer pareil, tu es obligé de dire Naam et après tu mets une négation. Attention, tu ne dis pas Naam Fahimtu. Tu es obligé de dire Naam Ma Fahimtu. Attention à ça parce que souvent on s'en met les pinceaux dans ce genre de tarbiyah. Donc tu peux dire Bala ou Naam Thumma Ma Fahimtu. Yakul Thaminan. Hati asilaten munasabatan il ajoubatil atiya. Donc donne une réponse correspondante aux questions suivantes. Ça, tu vas faire à la maison, Inch'Allah. Par exemple, la première phrase qu'on a fait ensemble, Yakul, la réponse est Naam shalibtu. Oui, j'ai bu. Donc c'est quoi la question? Ashalibta. Ashalibta, Naam. As-tu bu? Naam, j'ai bu. Maintenant, il va donner quoi? Hier, quand on a pris le maful bihi, quand c'est un damir muttasil, on a pris juste quelques damaïr mufrada. C'est-à-dire, juste des damaïr qui sont au singulier. Et là, ils vont en mettre au pluriel. Yakul, ta'asiyan, ikra al-amsilata thuma ajiban al-asilati al-atiya musta'amalan al-damaïr. Donc, il dit, lis les exemples, ensuite, répond aux questions suivantes en utilisant les damaïr. Ou, Aou, hum, aou, ha, aou, hunna. Tous pour le ghaïb. Masalan yakul, a ra'aita hamidan. Donc, as-tu vu Hamid? Ra'a, comme on a dit, ra'a c'est voir. Et quand tu mets un damir muttasil, a ra'a, c'est-à-dire, en fait, c'est écrit comme ça, avec un alif maksoura. Comme ça. Vous voyez? Le même alif que Moussa. Tu dis Ra'a. Ou Ra'a. Mais lorsque tu l'attaches à un Damir, ce alif va se transformer en Ya. Ra'aïta, c'est la quelque ta'ala. Ra'aïta, l'azi ou kadzibu bid-din. Vous voyez? As-tu vu celui qui dément la religion? Donc là, le alif, il se transforme en ya. Donc quand, quand par exemple, toi tu dis moi j'ai vu, tu veux dire ra'aitu ana. Ra'aita anta. Taïeb, ra'aiti anti. Taïeb, ra'aina nahnu. Ainsi de suite. Mais attention, c'est pas tout ça. Attends, là, il reste comme ça. La fin de roua. Mohamed ra'a. Taïeb, Mohamed ra'a. Tu ne vas pas dire Mohamed ra'i. طيب يقول رأيت حامدا عفوا رأيت حامدا donc la réponse نعم رأيته donc là le هو vient à qui حامدا ثانيا أرأيت حامدا وحاشما وعليا donc la réponse c'est donc as-tu vu حامد et حاشم ou حشام عفوا et علي il dit نعم رأيتهم oui je les ai vus. Donc là, « hum » il y a bien qui ?« A Hamid, A Hisham et A Ali. » Thalithan, il dit « A ra'aiti Zainaba. » As-tu vu Zainab ?« Naam, ra'aitu ha. » Donc là, le « ha » il y a bien qui ?« Zainab. » Rabi'an, « A ra'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. » Il y a ra'aitu hunna. » Donc « hunna » il y a bien qui ?« Trois d'avant. » Naam, trois femmes citées avant. Donc là, on fait pareil avec les autres phrases. Mais si tu as une femme et un homme. Raïtouhuma, s'ils sont deux. Ou tu peux dire Raïtouhum. Karl Muzakar. On part sur le. Aïe, ouais. Pour les dégèles, Alayna Darajat. Araïta et Tullaba, Joudoud. Et Joudouda, non. As-tu vu les nouveaux élèves? Naam, Raïtouhum. Naam, oui, je les ai vus. Thanien. أرأيت المديرة وأختها لا. وأختها نعم. وبنتها نعم. Donc as-tu vu la directrice ainsi que sa sœur et sa fille? نعم رأيتهن. نعم. Sache que comme je l'ai dit une règle souvent quand tu as un nom tu as un waou alf atf ce qu'ils appellent conjonction de subordination qui veut dire et. Le nom qui est avant le « waouh », vous voyez, par exemple, si c'est un nom qui est mal fort, « Mohammedun », ce qui vient derrière, le « waouh », il va prendre la même « i'rab » que celui qui est avant le « waouh ». Il le suit, en fait. C'est-à-dire « Mohammedun » ou « Zaydun ». Tu vas dire « Mohammedan »« Shamaful bihi » ou « Zaydan ». Tu vas dire « Mohammedin » si c'est un « majrour » ou « Zaydin ». Voyez, ce qui vient après le waouh prend l'i'rab de ce qui est avant le waouh. Ça viendra inch'Allah dans le bab al-ataf. Et la jurumia, je pense. Peut-être pour ce qui est avant l'i'rab. Donc c'est pour ça que tu vois, ta koul, ara'aiti al-mudirata wa uchtaha wa bintaha. Mais en vrai, ma foule bi, là, il est un seul. C'est lequel? Mudira. Et les autres, c'est les suiveurs. Ça s'appelle ma'atouf. Thalithan. Faddal. Ara'aita al-mudarrisi. Al-mudarrisa. Naam, as-tu vu le professeur? Naam, ra'aytuhu. Naam. Le hu, il vient à qui? Al-mudarrisa. Naam. Rabi'an. Aina ra'ayta ukhtuka? Ah, afwan. Ukhtaka? Naam. Maryam. Où as-tu vu ta sœur Maryam? Ra'aytuha fi madrasati. Naam. Je l'ai vu à l'école. أرأيت سيارة المدير؟ نعم رأيتها رأيتها. نعم. As-tu vu la voiture du directeur? Oui, je l'ai vu. Sadisan. أين رأيت الأطباء؟ الأطباء يا علي. Où as-tu vu les docteurs ou les médecins ou Ali? رأيتهم في المستشفى. نعم. Je les ai vus dans l'hôpital. Et où il y a bien un أطباء. سابعا متى رأيت المدير يا يونس quand as-tu vu le directeur au يونس رأيته قبل الدرس نعم je l'ai vu avant le درس ثامنا أرأيت أمينة أرأيت أمينة يا خديجة يا خديجة Afin d'aïd, aïd, aïd, on commence. Ara'aita aminata. Là, tu peux dire ara'aiti, je pense que c'est plutôt une femme. Voilà. À part ça, tes sœurs. Araïti Aminata. Nam. Wa Khadijata. Wa Barirata. Nam. Barirata. Nam. Raïtuhunna. Nam. As-tu vu Amina et Khadija et Barira? Oui, je les ai vus. Donc, Hudna, Yarji, il est Amina, wa Khadija, wa Barira. Ma foum, Mada. Mal. Ra'a. طيب عاشرا اقرا المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا ان وعلم ان من اخوات ان donc on a pris que ان parmi les sœurs de ان donc elle a la même fonction son ism qui vient derrière il est mansoub et son khabar il est marfou et on avait dit quoi souvent traduit par que comme tu vas le voir maintenant avec des exemples مثلا il dit Ah ouais, il te dit en fait, lis les deux exemples. Parce qu'à chaque fois, on a deux phrases là. Dis les deux exemples. Et lis entre les deux phrases en utilisant Anna. Tout en sachant que Anna est parmi les sœurs de. Le premier exemple, il dit Hua maridun. Il est malade. Taïeb. Là, on a un nouveau verbe. Vanna avumnu. Vanna à vonno, qui veut dire quoi? Je pense. Ou penser plutôt. Vanna, voyez, ça s'appelle quoi? Un firme ou da'af. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il a deux lettres, voyez, qui sont jointes. Il a deux nouns. Et on a mis une shedda. En fait, ils disent là-bas, c'est vanana. Voyez, ça va venir plus tard. Pourquoi? Et en fait, on dit vanna, voyez, avec un nun mushaddada. Qui veut dire penser à la base. Il peut dire deux choses. Donc il dit, moi je te dis ou amarid, il est malade. Toi tu vas dire azonno annahu maridun, je pense qu'il est malade. Donc là, anna, on l'a traduit par quoi? Par que. Et souvent il vient comme ça. Et il y a des verbes anna, il va tout le temps derrière quasiment, ou très très très souvent. Et avonno, en fait, c'est ana là. C'est-à-dire là, il est au mudaria. C'est-à-dire le mudaria, c'est ana. Ana, avonno, ana ou marid. Sauf que là, il est le oudamir, avonno, il est moussatir. Pareil, comme on voit ou comme il y a. Je ne le vois pas. Thaniyan, al mudarrisu ma ja'a. C'est-à-dire, donc, le professeur n'est pas venu. Dja'a, on a dit, c'est-à-dire venir ou arriver. Donc, comment on va le faire avec vanna? Tu vas dire, avonno, ana al mudarrisa ma ja'a. طيب دونك لا انظر اظن في فعل مضارع دايره المرفوع كما تشوفوا في على فين ضمة فاعل ضمير مستتر كي veut dire انا ان سي حرف نصب وتوكيد كم ان المدرسه سي اسم ان اللي منصوب وما جاء هذه الجمله الفعليه سي خبر ان الاول ضمير فاعل جاء ما جاء مستتر تقديره هو تقديره هو كي ريان مدرس تمام طيب الجمله الاولى تفضل انت طبيب نعم شوي امسا اظن لا اظن نعم توس اظن اللي مرفوع اظن انني طبيب لا اني انت طبيب أظن سي كوا دمي متصل دو أنت لا هو دمي متصل دو أنت أنت أيوة سي كوا دمي متصل كي أنت إلا سي أنا سي با إنا أتونسيون سي أنا أظن كومون تو دي سون ليفر أ لوي كتابه إي كومون تو دي تو ليفر أ توا كتابك فوالا أنت أظن أنك أيوة. أنك طبيب. نعم، je pense que tu es médecin. Ah, ouais, أنك. Vas-y, je pensais que c'était une question qui me l'a. Là. Toi, tu le même domir, tu le remets. طيب, tu le remets dans la phrase avec le domir متصل. نعم. ثانيا. هو من الياباني. Il est du Japon. أظن أنه من الياباني. نعم, je pense qu'il est du Japon. ثالثا. هي مريضة. Elle est malade. أظن أنها مريضة. نعم، je pense qu'elle est malade. هم طلاب. Ils sont des étudiants. أظن أنهم طلاب. نعم، je pense qu'ils sont des étudiants. أنت جوعاء. Tu as faim. أظن. Une femme. أنك جوعاء. نعم، je pense que tu as faim. المكتبة مفتوحة. La librairie ou la bibliothèque est ouverte. أظن أنها مفتوحة. Là tu dis اسم ظاهر. Si il met un isme zahir, toi tu le reprends pareil. Tu ne peux pas te donner. Non, je pense que la maktaba est ouverte. Al kahwatu baridatun. Le café est froid. Non, je pense que le café est froid. Muhammadun zahaba il est mekkata. Muhammad est parti à Mekka. Non. فاطمة في المكتبة. فاطمة أي dans la bibliothèque. أظن أن فاطمة في المكتبة. نعم. أنتم مدرسون. Vous êtes des enseignants. أظن أنكم مدرسون. نعم. طيب. مفهوم هذا؟ نعم. أظن. هذا c'est un fil qui est très souvent employé aussi. الحمد لله c'est une bonne faïda pour parler. Il y a d'autres règles, أظن. D'autres règles aussi qui viendront. إن شاء الله في الجرومية. أحد عشر. إكرام يالي. Donc maintenant on va dans quoi? في باب الأعداد المركبة. Dans les noms assemblés. Sauf que maintenant on va les prendre selon le féminin. La dernière fois on a pris le masculin. أحد عشر. طيب. اثنى عشر. أربعة عشر. ستة عشر. تسعة عشر. Ça c'était quoi pour le masculin? Maintenant on va prendre le féminin. Donc مثلا 11 وفي ميلا سألت كوا إهداء عشرة طالبة إهداء في ميلا دو أحد إعشرة يفيون في ميلا parce que le معدود il est féminin donc là faut attention quand on a dit masculin on avait dit quoi nous que à la base c'est le premier des deux nombres qui contredit le dénombré vous voyez Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette règle-là, elle commence à partir de Salafa, pas avant. Regarde, par exemple, il a dit Irda, Asharata. Irda, c'est féminin. Donc là, il n'y a pas de Mukhalafa. Il le suit. Là, on a tous les nombres, là, ils sont féminins. Irda, féminin, Asharata, féminin, et toi, les Batan, Tamis, féminin. Après, il dit quoi? Isnata, Asharata, toi, les Batan. Pareil. Isnata, en fait, c'est le féminin de Isnan. C'est Isnatan. Par exemple, tu vas dire Rajulan, Isnan. وامرأتان اثنتان تمام عشرة هي aussi quoi au féminin طالبتان تميز maintenant de ثلاثة الى تسعة ثلاثة عشرة وتسعة عشرة là maintenant le premier des deux nombres il va s'opposer au dénombré et le deuxième il va le suivre par exemple tu dis ثلاثة عشرة طالبتان donc là ثلاثة Il est Muzakkar, ça Parce que Talibal est Mouannas. Par contre, Asharata, lui, il reste féminin. Attention, l'Adan en arabe, c'est, ça rigole pas. Il y a plein de règles, tu vois. Mais Inch'Allah, au fur et à mesure, ça vient. Pour la case. Soit à la fin du livre, Inch'Allah, il fait un gros tableau, il remet toutes les règles. Tu vois, il est très bien fait en plus sur tableau dans Kitab. Inch'Allah. Donc tu dis quoi Salasa Asharata Talibatan. 13 étudiantes. Sitta Asharata Talibatan. Vous voyez 16 étudiantes. Saba, Asharata, Talibatan, 17 étudiantes. Samani, Ashara, Tayeb, là il ne dit pas Samania. Samani, Asharata, Talibatan, 18 étudiantes. Alors là, je ne sais pas pourquoi il a changé l'ordre, mais bon, Inch'Allah. Après il dit Arba, Asharata, Talibatan, 14 étudiantes. Khamsa, Asharata, Talibatan, 15 étudiantes. تسعة عشرة طالبة étudiante عشرون طالبة عشرون ne change pas il est pareil طيب عشرون vingt ثلاثون trente أربعون quarante jusqu'à la fin eux ils changent pas il y a pas de féminin masculin c'est tout le temps pareil donc attention aux nombres les nombres c'est vrai que c'est vraiment assez c'est perturbant quoi. Surtout pour parler faut maîtriser quoi machallah طيب سنة عشر إكرم يالي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Donc il dit ce qui suit et ensuite tu écris les nombres avec les lettres. طيب تكل الام ولدها وهذا ان شاء الله سيكون في البيت لانه طويل et c'est contraire la dernière fois qu'on avait pris avant pour un des quelqu'un qui fait un coup de temps libre 14 étudiants comment tu vas dire là attention je n'oublie pas c'est tout le temps une fatha tout le temps mais féminin masculin c'est tout le temps une fatha il change jamais il est même ni comme tu verras plus tard il est invariable il reste tout le temps sur une fatha donc vas-y نعم طالبان يو في مينا سألت كوا ثلاثة عشرة طالبان طالبات نعم طيب ثالث عشر تخزيم اكتب الأعداد من أحد عشر إلى عشرين وجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها عفوا نعم سلوسي Allez, ça compte que le bait. Inch'Allah. De toute façon, les nombres, faut beaucoup. Faut beaucoup de tarjibat, faut beaucoup d'exercices pour les membres. Parce que les règles, elles sont très nombreuses. À chaque nouvelle étape, à chaque nouvelle catégorie de nombres, t'as une nouvelle règle. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment l'assimiler. Ok, c'est simple. Pour faire un truc comme ça, toi, tu écris juste, en fait, Ahad Arachar. Allons, parce qu'ils sont. Tu écris une série de Ahad Achar, il est Tisata Achar au Moudakar, et tu mets de Ihda Achar au Ihda Achara, il est Tis Acharata au féminin, et devant chacun d'entre eux, tu mets les noms. C'est pas devant chaque nom, tu mets le truc. Ça, c'est toi la tâche, tu vois. Ce sera plus léger, Inch'Allah. Et maintenant, il va venir, c'est quoi un point qu'on avait déjà dit dans un autre Ders, en guise de Faïda, et là, maintenant, c'est vraiment Ders. C'est le féminin des noms comme Jo'an, Adban, ainsi que leur pluriel. Yakul, Ikra al-Misael, Summa, Imla, rempli quoi, Al-Fara, Fimayali, Al-Aghirari. Donc il dit les exemples, et ensuite comble les trous, comme cela est cité dans les exemples qui sont dessus. Masalen, Hamidun, Jo'anu. Donc Hamid a faim. Donc là c'est. Jo'an, il est Mufrad. Jo'anou. C'est quoi son djam? C'est pas Jo'anoun. Non. C'est At-Tulabu Jiyaoun. Taïeb, Jiyaoun. Alawaz Fi'aoun. Et il n'est plus même Messar finalement. Qui dit Jiyaoun avec un tanouin. Ça, c'est le Mufrad Muzakkar et djam Muzakkar. Maintenant, il va donner quoi? Le Mufrad Mouannas, Adjam Mouannas. Comment tu dis pour le féminin? Maryamou Jou'a. Toyeb, avec un alif. Ça, c'est le Mufrad. Le Jam, c'est le même. At-Talibatu Jiyaoun. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans Kitab 1 que le Jam Taksir, il est mutlaq, il est mixte. Tu vas dire, Rijel Tiwaloun, ils sont grands. An-Nisa Tiwaloun. Donc là, c'est pareil. Le djem taksir, il est mixte. Ils ne sont pas pour les deux. La différence, c'est quoi dans quoi là? Dans le singulier. Mufrad. Maintenant, à toi de trouver, tu vas devoir déduire le wazn du mot, la forme du mot, sa mesure, par rapport à ce qu'on venait à l'instant. Masalan, yakul, Khalidun, Atchanu. Khalid, Aswaf. Atchan, comment tu vas le mettre en djem? Alawaz fi'al. Aïtosh. C'est Aïtosh. Taïeb, et tout ils viennent tous de cette forme-là. Maintenant, mets-moi un féminin. On compare bien entre Jo'an et Jo'a. Tu vas trouver le féminin de Rachan, ça va être quoi? Le féminin de Rachan. Si tu regardes bien, t'analyses bien, comment? Rachan. Voilà, Racha, avec un lif. Et tu vas dire quoi? Aminato? Racha. Racha, et non pas Rachana. Et le pluriel, ça va être quoi le jam? Pareil, c'est même que le muzakkar. Aitosh. Thania, il y a cool. Ibrahimu Shab'anu. C'est, il est rempli, il a bien mangé. Rassasié. Donc c'est quoi son jam, attention, à la wasfi'al. Shiba. Non. Shiba. Ça veut dire quoi? Et tout l'ébou, Shiba'un. Tu veux dire quoi maintenant avec Amina? Shaba. Shaba, non. Ouais, tu veux dire quoi avec Talibat? Comme toi, comme tout l'ébou. Avec Talibat? Shiba. Attends, désolé, après je t'en prie. L'ébou que tu trouves pour nous, Zakar? Shiba? Là. Il n'y a pas des Shiba. Attends. Tu l'avais trouvé tout à l'heure. Ouais, elle est partie déjà. Non, parce que attends, de toute façon. Shiba. Shiba. Donc tu veux dire quoi? Tout le temps libat? Shiba. Shibaun. Nam. Tu te rends compte qu'en fait, la lettre qui a le alif, c'est celle qui vient en dernier en fait. Les trois vraies lettres d'origine, c'est les trois premières. Mais ça vient dans. Shaban, la d'origine c'est le Shin, le Bay et le Aïn. Ouais. Le Alif, le Nun, c'est deux lettres ajoutées. Donc ça fait que quoi? Que toi, en fait, tu prends les. Pour trouver son pluriel, tu prends les deux premières lettres. Les deux premières lettres. La première, elle va prendre Kasra. La deuxième, elle va prendre Fatha et un Alif. Et la troisième lettre, elle va après l'Alif. La Salam. Comme tu as trouvé à toi à l'instant, Shab'an, ça va être quoi? Shiba. Le Shin, il y a une Kasra. Le Ba, il y a une Fatha. Après, tu as Alif qui vient. Et le Ayn, il vient après le Alif. Tous, c'est la même formule. À la waz fi'al. Tayyib. Al-Mudarrisu Adbanu. Le professeur est en colère. Ça va être quoi le Jam? Al-Mudarrisuna. Pas comme on a dit. Les deux premières avec une kasra, après un alif, après la dernière. Ridabun, nam. Et non pas Rodbanun. Taïeb, El Mudarisatu? Rodba. Nam. Le féminin, comment tu fais? T'enlèves le alif et le nun qui est à la fin, et tu mets un alif maksoura à la place. Vous voyez, vous le dites Rodban, tu veux dire Rodba. Ala waz fa'ala. Tamam. Youssouf Kaslanu. Youssouf est un fainéant. Donc là, le jam, il est différent. Attention maintenant. C'est Touleb, Kousala. Vous voyez, Kousala. C'est comme Sakran, مثلاً. Sakran. Ça veut dire quoi, Sakran? Bourré. C'est ivre, non. Donc son jam, il va être comme celui-là, Kousala. Quand il dit Ta'ala, voilà, t'as comme vous salette, ou un tum soukara. N'approchez pas la salade tant que vous êtes ivre. Donc là, il rentre comme Kaslan. La formule, elle change là. Comment on sait? Ça, c'est avec la mémorisation. Il y a des règles. Et quand est-ce qu'on apprend cette règle-là pour celui-là? C'est quand il va apprendre. Et quand est-ce qu'on change la règle pour un autre? C'est le pareil, tu vas l'apprendre. Après, c'est mémorisé. Mais les règles, elles sont toutes là pareilles. Après, c'est toi de mettre les mots à leur place. Est-ce que celui-là, il rentre dans cette catégorie-là ou dans celle-ci? Et à fur et à mesure, avec l'habitude, Inch'Allah, ça va venir. Donc là, Kaslan, son pluriel, c'est Kousala. Alawaz Fou'ala. Et le féminin, c'est même que les autres. Kasla. Tu vas dire quoi? Fatimatu Kasla. Et le Jam, c'est même que le Muzakkar. Kousala. Tu vas dire Talibatu Kousala. T'as même? Kousala. Et quand tu vas faire du surf, Inch'Allah, tu vas mieux comprendre ça. Ça, c'est un matral, c'est un préambule. Taïeb, Khamis Acha, Ta'amel Mayati, ou Mayali. Lima, quand on dit Lima, Yusaw Imaza, ça veut dire quoi? Limaza. Un akoul. Lima, un taf de maj. Cool, un taf de maj. Il y a un nani taf de maj. Taïeb, pourquoi? Donc, Lima, c'est comme Limaza. T'as même? Ça veut dire quoi? Lima, kharajta min al-fasli. Pourquoi es-tu sorti de la classe. Et ça, c'est le... Et donc la réponse avec l'ima, ça va être avec quoi? Ça va être l'yennani kaza. Avec l'yenna. C'est comme l'imaza. C'est comme l'imaza. Et l'autre question, c'est akharaj tamil fasl. Tu veux dire quoi? Naam. Mais là, j'ai pas compris le rapprochement. Pourquoi ils ont mis ça et le lima avant? Inch'Allah. Et lima, tu peux dire aussi lima avec un ha. Lima, c'est la même chose. Et ce ha à la fin s'appelle ha sect. C'est un ha qu'on met à la fin d'un mot lorsqu'on s'arrête. Ça s'appelle ha sect. Très bien. Kafikuli ta'ala, wa ma adoraka ma hiya. En surat al-Qari'a. En fait, c'est hiya, c'est domir hiya. Seulement, là, on a mis à la fin, il y a quoi un ha sect. Fa ma adoraka ma hiya. Akada. Mais là-bas, c'est hiya. Et souvent, ce ha, tu mets dans les mots qui sont variables, les mots bemni, quand tu t'arrêtes dessus. Et ça deviendra pareil plus tard. Toi, juste sache, là, ce ha, là, qu'est-ce qu'elle a? C'est un ha sect. C'est un ha qu'on met à la fin d'un mot lorsqu'on s'arrête dessus. Si tu t'arrêtes pas, tu ne le prononces pas. Alors, tu vas dire, lima zahabta. Tu ne vas pas dire lima zahabta. Tu vas dire lima zahabta. Ou si tu t'arrêtes, tu vas dire lima. Là, tu vas mettre le ha. Pas même? Ça, c'est rarement utilisé. Je ne suis pas dans le parler de tous les jours. Donc, par exemple, il dit Lima darabta hadal walad. Pourquoi tu frappais cet enfant? Vous voyez? T'as coulé l'yennaou moutrib, qui est fatigant. Vous voyez? L'yennaou souadam. Il a un sale comportement. Vous voyez? Maintenant, j'ai compris l'approchement. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Non. Maintenant, il va te dire quand tu dis Lima et quand est-ce que tu dis Lima. Par exemple, avec une autre question, Darabta hadal walada, as-tu frappé cet enfant? Tu vas dire Naam. Maintenant, je dis Lima. Parce qu'il n'y a pas de phrase derrière. Donc là, tu utilises le ha. Mais si jamais tu mets une phrase derrière, le ha, tu ne le dis pas. Donc je vais dire Lima. Hey, Lima, va de l'abtaou. C'est-à-dire, l'anou, la'ab. L'anou, ma yotiouni. Vous voyez? L'anou, khazaf, il jette des pierres. Vous voyez? Ma foumada, le ha sect. Naam. Et il revient plus aussi dans Kitab 3, je crois. Il en reparle plus du ha sect. Saadis Achar. Oktoub al-Asma al-Atiya majrouratan wa mansouba. Donc maintenant il fait quoi? Il te rappelle ce qu'on a pris au début. Taïeb. Ce qu'on appelle quoi? Aramat al-I'arab. Les signes de l'I'arab. Taïeb. Al-I'arab en elle-même. Taïeb, c'est-à-dire le visu grammatical. On a dit les deux quatre. Al-Rafa. Al-Nasb. Al-Jar. Ou al-Jasm. Ça, c'est l'i'rab en elle-même. Maintenant, le nom sur lequel tombe cet i'rab, dans le raf, ça va être un ism marfou'. Sur le nasb, ça va être mansoub. Sur le jazm, ça va être majzoum, ça c'est pour les fiers, je vais faire les vers seulement. Et pour le jar, ça va être majrour. Et comment savoir qu'un ism il est marfou' ou mansoub, ou majrour ou majzoum? Il a des alamat, il a des signes. Et ça s'appelle alamat et l'i'rab. Alamat i'rab, مثلا alamat raf, c'est quoi? Alamat ism marfou, damma. C'est la alamat asliya, celle d'origine. Maya alamat al-nasb du ism mansoub, la fatha. Maya alamat al-ja ism majrour, la kasra. Maya alamat al-fi'l majzoum, la sukun. Donc maintenant, oh, c'est l'adhan, on a fini là. Il dit tous les noms qui sont exposés là, lui te met marfour, toi tu mets après majrour ou mansoub. Mathalen, il dit kitabun. Ça c'est marfour. Kitabun. Kitabin, ça c'est majrour. Kitaben, ça c'est mansoub. Sayaratun, ça c'est marfour. Sayaratin, ça c'est majrour. Ou sayaratun, c'est mansoub. Il n'a pas mis majrour pour l'instant, parce qu'il n'y en a pas encore dedans. Tayyib. Hamidun, c'est marfou. C'est quoi majrour? Hamidun. Nam. Mansoub? Hamidan. Nam. Sa'atun. Sa'atin. Nam. Sa'atan. Nam. Khalidun. Khalidin. Khalidan. Nam. Mikwatun. Mikwatin. Mikwatan. Nam. Beytun. Beytin. Nam. Beytan. Nam. Sabburatun. Saburatin, saburatan. نعم. Rajulun. Rajulin, rajulan. نعم. Madrasatun. Madrasatin, madrasatan. تمام. أنت هذا؟ نعم. تصفيد عجاقي. سادس عشر. Il dit, ta'amel mayali. Donc, médite ce qui suit. Hat. Hat, à la base, c'est un fiel amr, impératif. Et les jamid, on dit quoi jamid, c'est quand il vient sur une seule forme. Il est vient que au plus, à l'impératif, ce verbe-là. Il n'y a pas de moudaralia et il n'y a pas de mardi. Vous voyez? Donc, quand tu parles à quelqu'un, tu dis hati, avec une kasra, il y a Ahmed. C'est donne. Il y a Ahmed. Vous voyez? Tu dis. Hatu ya ikhwan. Là, le waw, c'est le jama'a. C'est donné, vous les frères. Qu'avec le ta'ala, wa hatu burhanakum, in kuntum sadiqin. Et apportez vos preuves si vous êtes véridique. C'est le même. C'est comme dans le site du palmier. Eh, wa hatu. Sauf que c'est plutôt tsaddaku. Non. Non. Hati avec aya, c'est pour qui là? Pour une femme. Bien. Si tu parles à une femme, tu dis Hati ya Soad. Donne au Soad. Ou apporte. Hatina ya Khawet. Ça y est. Hatina ya Khawet. Donc tu veux dire Hatina à des femmes. Tamam. Et là, ça te prouve quoi? Parmi les différences entre l'homme et la femme. Et Chier avait raconté une fois l'histoire d'un homme qui faisait Mounakash avec un autre. Un qui voulait faire la Tasfouya, d'un régel, on dit ça. Il voulait égaliser entre l'homme et la femme. Et l'autre, il dit, mais on n'est pas pareil. Il dit, ah, c'est nous, l'homme et la femme sont pareils, ou à casa, à casa. Après, celui qui voit qu'il y a une différence, c'est vrai, il dit à cet homme, Ouskouti. Tu vois, comme ça, Ouskouti. Il dit, pourquoi tu peux Ouskouti avec Aya et tout, nanana fait, bah, vous êtes pareil, toi et la femme, quoi, ça me dérange, tu vois. Et il ne savait plus quoi dire après. Normalement, un homme, tu dis Ouskout. Et une femme, tu dis Ouskouti. Quand il dit Ouskouti, il était vexé. Pourquoi tu me dis ça et tout, Ouskouti et tout, un rajoute. Quand même, tu dis qu'on est pareil, l'homme et la femme. Non, c'est. Et là, il a rien pu dire, tu vois. C'est-à-dire même dans le Coran ou dans la langue arabe, on a mis une différence entre l'homme et la femme. Pareil. Vous voyez ? Les sadakaru kal-unfa. Taïeb. Yakul, Uktub. Bon, ça, Inch'Allah, avec tout ce qui est comme exercice, Inch'Allah, on va faire un tarfif, en fait, si tu veux faire toi-même. Taïeb. Pour Amin Indik, c'est de toi-même. Ana talibun mujtahidun. Taïeb. Yakul, Uktub, l'ayat l'khams, l'oula min surat al-Rahman, ou surat al-Hadid, ou surat al-Naba. Écrit le premier verset de Rahman, Al-Hadid, Al-Naba. Par exemple, on prend le kalimat Jadida. Majalla, c'est magazine. Imara, c'est un immeuble, une bâtisse. Par exemple, Waljam, c'est Amair. Mamim le Saf. Soura, c'est une sourate. Waljam, c'est Soura. Rakibun, à la base, c'est où c'est un passager ou ça peut être. Celui qui monte sur un cheval ou autre chose. Celui qui monte sur une chose. Et le deuxième, c'est Rukab. Sinnun. Vous voyez, ça peut être l'âge. Et ça peut être aussi une dent. Et Asnan, pareil. Asnan Marouf. Asnan, c'est, tu vois. Dja, c'est un film mardi qui veut dire venir, arriver. Chaqqa, à notre époque, c'est pour employer comme quoi un appartement. Le jam c'est Shikak. Kalima, Marouf, c'est un mot. Le jam c'est Kalimat. Et Kawa, Yakoui, ça c'est un verbe qui veut dire repasser. À la base c'est comme brûler une chose, tu vois. Pas fou, Mala ? Bon, là, comme étant des pressions, on n'a pas le temps de faire un Khurasa. C'est un café bien là. والحمد لله رب العالمين